15 ans qu'on l'attendait, 15 ans depuis La Horde du Contrevent, le second roman d'Alain Damasio qui a propulsé son auteur au firmament des auteurs de science-fiction française. Mais faut-il vraiment parler de science-fiction? L'œuvre de Damasio depuis La Zone du Dehors, en passant par ses nouvelles, le jeu vidéo, la musique qui accompagne ses récits, ses performances, c'est une œuvre totale, aussi résolument politique que poétique. Une œuvre monde dans laquelle chaque nouveau fragment vient en surimpression de l'absolue nécessité de donner la primauté au vivant. Et avec ce nouveau roman Les Furtifs, dans la société panoptique du contrôle volontaire auquel nous avons tous cédé, le vivant, c'est celui qui échappe. Alain Damasio, La Disparition, c'est le programme en angle mort qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de la sortie de votre troisième roman, Les Furtifs, aux éditions La Volte. C'est peu dire que nous sommes évidemment ravis de vous recevoir ici au micro de la méthode scientifique. La dernière fois que vous étiez ici, c'était il y a 2 ans et demi, en décembre 2016. Voilà ce que vous nous disiez justement du roman en cours. Vous en êtes où des Furtifs? Alors c'est la question qui tue, qui fait mal. Donc j'avais commencé, c'est quand je regarde mes cahiers, c'est horrible parce qu'en novembre 2004, j'ai commencé à marquer les premières phrases, quoi. C'est juste après La Horde, j'étais déjà dans l'esprit de bâtir ce roman. Et puis, j'ai commencé vraiment en 2010 et je me suis arrêté, je me suis dispersé sur beaucoup de projets parallèles mais passionnants, dans la scénarisation de jeux vidéo, au cinéma, en série télé, même en BD. j'ai fait beaucoup de créations aussi radiophoniques indépendantes qui fait que, et autour des Furtifs notamment, qui fait que j'ai déployé l'univers par l'imaginaire sonore. Mais le livre lui-même et dans sa textualité a pas énormément avancé, pas assez. J'en suis à 3 chapitres et mon éditeur commence à s'étrangler que j'avance pas plus vite. Voilà, c'était il y a 2 ans et demi, 20 chapitres plus tard, parce qu'il y en a 23 en tout dans Les Furtifs. Complètement. Ça a été une écriture à marche forcée ces 3 années après effectivement un peu 10 ans d'errance. Ah, ce qui est très difficile, c'est démarrer dans un livre comme ça, comme tous les livres univers. Il y a un temps de sédimentation très très long. Sur cahier, et puis on se sent pas prêt. Il y a toujours un moment où on se sent pas prêt, et tout d'un coup ça se débloque. Et c'est vrai que les 3 premiers chapitres ont été extrêmement laborieux à mettre en place, et stylistiquement, et sur l'univers. Et puis à partir du déblocage du 4e chapitre, où on rentre un peu dans la chasse aux furtifs, là ça y est, ça a décollé. Et après j'ai plus rien lâché jusqu'au bout. Et puis comme dans tout roman, je trouve qu'il y a un moment donné, on est sur l'Ubac pendant très longtemps, c'est vraiment la partie au bon bré de la montagne, et tout d'un coup on sent qu'on passe le col et qu'on bascule vers l'Adret. Et là, généralement, le roman accélère, prend de la vitesse, on est porté par les personnages, on est poussé par l'univers. C'est particulier, ouais, au monde imaginaire, hein, parce que la construction, l'exposition de ces mondes imaginaires prend beaucoup de temps. Mais une fois qu'on sent que c'est en place, et même en place dans le livre, ensuite cet univers va nous aider, vraiment va nous pousser dans l'eau comme un vent, et on arrive au bout. Donc ça a été plus facile la dernière année, mais jusqu'à la dernière année, là vous étiez au pire moment de doute, il y a 2 ans et demi, mais voilà, j'ai réussi à faire le chemin quand même. On est le 18 avril, donc aujourd'hui, date de la sortie officielle des Furtifs. Et vous disiez, c'est marrant, j'ai retrouvé un petit cahier sur lequel j'avais noté mes premiers trucs sur le roman, et j'ai encore la date, le 19 avril 2004, donc c'est exactement 15 ans jour pour jour. Ouais, ce qui est fou, ouais, ce qui est complètement fou. Mais c'est propre à la création, c'est-à-dire qu'il y a toujours il y a des couches de mémoire qui se superposent pendant très longtemps, il y a des problèmes de maturité et de maturation. C'est vraiment un art végétal, moi je dis parfois, c'est-à-dire qu'on est vraiment un terreau, on est une épaisseur de terre, et ça pleut, il se passe rien, on se dit mais la terre est aride, elle est infructueuse, et puis tout d'un coup ça se met à pousser, et quand ça se met à pousser, généralement ça va très vite, mais il y a beaucoup de temps où je sais pas, on sait pas ce qui se passe, l'inconscient travaille, et on ne croit pas que l'inconscient travaille parce qu'on voit rien sortir, mais il fait son travail, et quand il a fini, ça y est, ça commence à être rapide. Mais oui, c'était 15 ans entre les premiers linéaments et maintenant, quoi. Vous vous souvenez de la toute première note, de la première chose que vous avez couchée par écrit qui va donner naissance au furtif, de la graine en fait? Mais la graine, elle est encore plus ancienne que le 2004, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est marrant parce que j'étais parti aux États-Unis. J'avais 22 ans à l'époque, et j'avais décidé de faire les grands parcs américains à vélo. Voilà, j'étais comme je sais pas conduire, moment que je pouvais pas faire le road movie avec la musique dans la voiture. Et j'avais pris un VTT rouge, je me souviens. Et j'avais tiré à Phoenix, j'étais remonté vers le Grand Canyon. Et puis j'ai passé 3 semaines, j'avais dû faire plus de 1500 kilomètres. Et un jour, comme les cartes américaines étaient très mauvaises, je prends un mauvais sentier à travers le désert. Enfin, c'était une espèce de piste. Et j'arrive au bout du sentier, je suis complètement bloqué par un cul-de-sac. Donc je me rends compte qu'il faut que je fasse demi-tour. Et là, donc j'avais les croûtes de sel parce que j'avais pas assez d'eau, évidemment. J'avais mal anticipé. Et je vais faire pipi dans un buisson en contrebas du chemin. Et là, je m'arrête et je me dis, mais c'est évident que cet endroit-là, aucun être humain n'y est jamais allé. Je suis dans un monde qui... Et puis, il m'est venu cette toute petite idée de me dire, ça serait marrant de faire un récit où ça serait des êtres qui vivent qu'aux endroits où l'être humain n'a jamais mis les pieds. Et c'était la petite graine, voilà. Et puis après, ça s'est basculé. C'est-à-dire que ça s'est corrélé à tout un ensemble de réflexions que j'avais depuis longtemps, depuis la zone du dehors, sur la société de contrôle, sur ce fameux régime de contrôle que Deleuze met en perspective à partir des années 90. Et puis, bien sûr, arrivent les réseaux, arrive le téléphone portable, arrive l'internet, et on se rend compte qu'on rentre dans, moi, ce que j'appelle maintenant le régime de la trace, quoi. C'est-à-dire que c'est la trace qu'on laisse à la fois dans la rue par la triangulation et la géolocalisation, et à la fois sur les réseaux par évidemment tous les surfs, les tweets, les chats, les mails qu'on envoie. C'est ce régime de la trace qui produit la valeur, puisque évidemment les GAFA orpaillent ces traces, les data mine, les corellent. Et je me disais, bon Dieu, ça a basculé, ça a changé. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ce régime de la trace, face à un monde qui est encore plus panoptique, encore plus contrôlé, encore plus producteur de données personnelles et intimes? Et c'est là que ça m'est revenu, cette idée de l'angle mort, d'endroit où seuls les furtifs avaient pu mettre les pieds ou les pattes. Et je me suis dit, il faut que je bâtisse une espèce d'envers des sociétés de trace. Et cet envers, ça pourrait bien être la furtivité, voilà. Et je me suis axialement centré sur ce concept, cette espèce de cœur concept de furtivité, en me disant, là j'ai un roman, voilà, j'ai un roman, mais il fallait le développer, voilà. Donc c'était l'angle mort est leur lieu de vie. C'est la première phrase. Ouais, c'est la première phrase que j'avais vraiment déployée en cahier, quoi. Ouais. J'aimais beaucoup cette opposition entre cet angle qu'on croit mort, mais qui est justement l'endroit de plus grande vitalité aujourd'hui, le fameux blind spot où un début de liberté est possible. On va revenir un peu sur tout cet univers que vous déployez, sur cet univers dystopique qui est finalement très distinct de vos deux précédents romans. Et c'est intéressant parce que vous disiez déjà pour La Horde, et vous le redites maintenant pour Les Furtifs, de dire on fait les livres en fonction de ce qu'on a le sentiment d'avoir raté dans les précédents. Ah oui, ça c'est vraiment... Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a aussi cette phrase de Duras, moi, de Marguerite Duras, qui est vraiment un mantra. Elle dit « Écrire, c'est tenter de savoir quel livre on écrirait si l'on écrivait. Et on ne le sait qu'après. » Et tenter de le savoir avant, c'est certainement la chose la plus courante qui soit, mais la plus dangereuse aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une ligne de fuite, une ligne de perspective, un horizon par rapport au livre, on sait toujours absolument pas ce qu'on va produire, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité. Donc j'étais porté par ça, effectivement, mais j'ai oublié la question. Dans La Horde qui conduit au furtif? Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté? Quel a été votre angle mort, en fait? C'est marrant parce que j'ai toujours eu à peu près la même question, en tout cas le même sillon, qui était de dire, bon, moi, je considère, c'est ma bonne nature peut-être, mais je considère que le fait d'être en vie, d'être un être vivant, est un don extraordinaire, c'est un don sublime, voilà, d'être né, de pouvoir éprouver par son corps un nombre de choses incalculables, de pouvoir penser, de pouvoir créer. Moi, ça me remplit de joie, presque par construction. Et je me posais la question de dire, bon, voilà, comment être en vie de la façon la plus belle, la plus noble, la plus riche, la plus intense possible? Comment faire de cette vie quelque chose, voilà, qui soit vraiment, qui soit digne d'être vécu et qui porte... et qui restitue presque ce don sublime. Et donc j'avais fait un premier livre qui était la zone dehors, qui était une réponse, je dirais, une réponse par opposition, en disant je suis dans un monde qui contraint ses forces de vie, qui les emprisonne, qui les édulcore, qui les anesthésie, et finalement toute la zone dehors est portée par l'idée de alors comment relibérer ces forces de vie. Et puis après je fais l'ordre du contrevent, et là on est plus sur un livre sur l'autodépassement, où je me dis, mais en fait, le vivant, la vie, c'est être en mouvement en permanence. Donc, mouvement dans sa pensée, mouvement dans ses sensations, mouvement dans ses affects, dans ses percepts. Comment avoir une pensée vivante, par exemple, tout simplement? Et puis, c'est être lié, voilà. Comment être lié à la nature, au cosmos, aux gens, à soi-même, retrouver le lien à soi-même qu'on a tendance à beaucoup perdre dans la schizophrénie contemporaine. Et puis, donc, j'étais content d'avoir fait ce livre qui était censé, en tout cas, articuler les deux. Mais en réalité, Moi, je savais que j'avais, enfin, en tout cas, j'avais le sentiment d'avoir réussi vraiment le lien en bâtissant entre 23 personnages, en mettant en œuvre cette polyphonie narrative où chaque personnage a une voix, où on passe d'une voix à l'autre et où le lecteur est du coup au milieu de ses voix et assure ce lien, assure cette étoffe, ce tissage. Donc, j'avais le sentiment que j'avais trouvé la voix narrative, en tout cas, pour exprimer le lien, le restituer, le faire éprouver au lecteur. Mais par contre, le mouvement, à part le fait que la Horde remontait le vent de façon linéaire et effectivement était dans une migration permanente, il n'était pas réellement porté pour moi, et surtout je l'avais chargé sur ce personnage de Caracol, de Troubadour, qui était un être de vent, un être métamorphique, mais qu'au fur et à mesure du roman, j'ai fini par presque abandonner, en tout cas je n'arrivais plus à le porter syntaxiquement, par la parole, et j'avais le sentiment surtout d'échouer sur le cœur des choses, c'est-à-dire que quand tu utilises un médium, si tu choisis la littérature comme c'était le cas sur ce livre, c'est pas le discours sur le mouvement qui va porter le mouvement vers le lecteur, c'est le fait que la langue elle-même soit en mouvement, que l'écriture elle-même soit en mouvement. Si l'écriture, le médium lui-même porte pas le mouvement, tu peux parler du mouvement, tu peux dire le mouvement, mais tu le montres pas, tu le fais pas éprouver. Et j'avais un sentiment de limite poétique, voilà, de limite vraiment d'écriture, de limite d'artiste écrivant. Et mon mur, mon horizon de butée était vraiment lié à une poétique que j'arrivais pas à réinventer. En tout cas, j'arrivais un peu au bout de ma syntaxe et du coup, quand j'ai attaqué les furtifs, d'abord j'ai voulu incarner vraiment ce mouvement par des êtres vivants qui sont végétaux, animaux, minéraux et qui sont l'incarnation des plus hautes formes du vivant pour moi. Il faut que vous redisiez en un mot ce que sont les furtifs pour que les auteurs comprennent un peu de quoi il s'agit, parce que ça n'est pas tellement l'histoire de ces créatures-là, mais que des gens qui cherchent à les voir, qui cherchent à les voir pour de mauvaises raisons. Expliquez-nous un peu dans vos mots, Alain Damasio. Voilà, je vais essayer de dire. En fait, ces êtres, c'est tout simple. C'est des êtres qui sont souvent de la taille d'une belette ou d'un écureuil, qui sont vraiment des êtres de chair et de sang, mais même de chair et de son. Hein, on l'apprend dans le livre. C'est-à-dire, ils naissent d'une sorte de frisson fondamental. C'est-à-dire, une vibration élémentaire. Exactement un peu. Après, je me suis rendu compte que c'était finalement une application de la théorie des cordes finalement au récit, parce que ce que j'adore dans la théorie des cordes, c'est de dire, voilà, l'origine de la matière n'est pas un atome, n'est pas un quark, c'est-à-dire, c'est pas une espèce de particule élémentaire et fixe, finalement. C'est une vibration. C'est-à-dire, c'est toute petite corde qui est circulaire, d'ailleurs, dans la théorie des cordes, comme un petit élastique en vibration. Et j'ai toujours beaucoup apprécié cette vision du monde, parce que pour moi, le mouvement étant premier, je considère que la matière elle-même doit être en mouvement ou en vibration dès l'origine. Et finalement, les furtifs ont cette espèce de mélodie ou de rythmique fondamentale qui ensuite leur permet de mettre en résonance la matière. Et donc, ils se baladent effectivement dans l'angle mort de la vision humaine. C'est-à-dire ils ont acquis au fur et à mesure des millénaires la faculté de savoir où le regard humain se porte en général. Ils ont une sorte d'intuition de ça et ils se placent toujours là où on regarde pas. Et du coup, l'armée a fini par détecter, grâce à des moyens, justement des capteurs, des senseurs extrêmement modernes, leur existence, et tente désespérément d'en attraper un vivant pour analyser ne serait-ce que l'ADN, et parce qu'ils se disent, ça pourrait être une arme d'infiltration extraordinaire si jamais on arrivait à les attraper. Sauf qu'il y a une espèce de malédiction de la Gorgone ou de syndrome de la Gorgone qui fait que quand le furtif est vu, et quand il se sait vu, il se céramifie à très haute température, à 1400 degrés, et on obtient un bloc de céramique magnifique, très cinétique, c'est presque une œuvre d'art, mais dont on ne peut absolument rien faire. Voilà. Puisque l'ADN a été complètement... Et donc, on commence par les chasseurs de furtifs à suivre ces animaux-là. Voilà, c'était ça le... Et donc, je voulais créer ces êtres vraiment métamorphiques et en faire vraiment une incarnation. C'est comme des caracoles vivants, finalement, dans le... Mais surtout, ça résolvait pas le problème principal, puisque c'était de dire, est-ce que, au niveau de la langue elle-même, de mon écriture elle-même, je vais pouvoir atteindre ce moment où la langue elle-même est métamorphique, mute, ouvre des brèches, ouvre des failles, atteint un niveau, matériste très important, très fort. Et je pense l'avoir réussi, avec le personnage de Tishka, qui est cette petite fille que les... partie avec les furtifs et que les parents vont essayer de retrouver, voilà. Et c'est elle qui va porter finalement cette langue que j'espère nouvelle, ou en tout cas que j'espère capable d'incarner ces très hautes formes du vivant. Ouais. Alors il faut dire qu'on retrouve dans les furtifs une structure qui est celle aussi du récit polyphonique, dans La Horde, c'est-à-dire que chaque paragraphe commence avec une scripture particulière qui identifie son locuteur. C'est intéressant cette polyphonie, parce que vous dites finalement que la monophonie, le fascisme de l'omniscience, le narrateur à la première personne, cette manière de décrire la totalité du monde d'un seul point de vue, type Wells, Houellebecq. Oui. Mais il est pas seul, hein, malheureusement. Oui, bah moi vraiment, je reproche à ces formes littéraires-là d'être presque datées ou presque anciennes, au sens où, que ce soit la narration omnisciente à la troisième personne, hein, le fameux il, ou à la première personne, le fameux je, on part du principe que voilà, il y a une voix unique pour décrire le réel, qui va être la voix du narrateur. Et on veut pas voir, ou on oublie, ou on n'est pas capable, ou on n'a pas envie de voir que la réalité se voit de plusieurs corps, de plusieurs têtes, de plusieurs et que politiquement c'est quand même extraordinairement important. C'est-à-dire qu'on n'impose pas une vision au lecteur, on le met en face de plusieurs visions du monde à travers lesquelles et entre lesquelles il va circuler. Voilà. Et en circulant à travers ces formes d'esprit, de corps, de vision du monde, de style, parce que chaque personnage effectivement est typé par un registre, il y a des registres très littéraires, très éthéré, très élégant. Puis il y a des registres argotiques. Il y a même là, j'ai un personnage qui a un mélange d'un registre gitan, Jones et gamer. Quoi, j'essaye de mélanger et d'empiler ces trois modes-là avec un mode très tonique qui s'appelle Tony Tufou, le personnage. Et en faisant ça, je pense que ça permet vraiment au lecteur de se positionner avec une liberté par rapport aux différentes visions du monde qu'on lui propose. Et je pense que ça stimule énormément et l'imaginaire et l'intelligence du lecteur, puisqu'il t'es obligé, voilà, en tant que lecteur, de te dire bon bah finalement qui a raison, on me décrit la réalité de façon différente, qui est dans le vrai, et ça te pousse vraiment à faire l'effort. Donc ça moi je pense que ça donne un livre exigeant, mais un livre qui est très stimulant sur ces différents regards. Donc cette polyphonie, ouais, pour moi elle est vraiment fondamentale. Je l'avais un tout petit peu déjà dans La Zone du Dehors, je l'avais beaucoup développé dans La Horde, et là bon voilà, je l'ai presque institutionnalisé dans mon travail. C'est-à-dire que même au départ, j'ai des fiches personnages qui sont très très précises, très définies, où j'avais ce que j'appelle un bloc stylistique, parce que dans les fiches personnages, je vais un peu comme dans les jeux de rôle, hein, on a le bloc des traumas du passé, l'adolescence, la description physique, les capacités intellectuelles et physiques, le rapport au furtif, le rapport au monde, le rapport à soi, le rapport aux autres, enfin, le réseau d'amitié. Enfin, on définit vraiment tout un ensemble de choses qui vont servir dans le roman. Mais surtout, il y a le bloc stylistique. Et là, bah, j'ai défini une syntaxe, j'ai défini des sonances par personnage, j'ai défini des registres. Et ce qui fait que, oui, je pense qu'on rentre vraiment mieux dans la peau, vraiment. Et l'empathie, je pense, est décuplée par le fait qu'on sent vraiment physiquement, ce qu'est le personnage, ce qu'il veut, ce qu'il sent. Donc ça, pour moi, ça reste très important. Je crois que j'arriverai pas à écrire d'une seule tête, à part en nouvelle, des fois une nouvelle, voilà, je prends. Mais sur les romans, je trouve qu'il faut avoir cette ampleur, essayer d'offrir cette ampleur. Le lien avec le son, on va y revenir, parce que comme pour La Horde, il y a un album qui accompagne Les Furtifs, il y a même plus qu'un album, il y a un projet qui vient en amont d'ailleurs de la fin de l'écriture du roman, vous allez nous en reparler dans un instant. Mais il y a aussi la puissance de votre poétique, hein, d'une poétique d'Alain Damasio qui se dessine de plus en plus clairement roman après roman, et d'une poétique qui n'est pas que sonore, qui est aussi scripturale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment vous jouez avec une ponctuation qui intervient presque comme un dessin qui vient se superposer sur les lettres. En fait, ça vient vraiment presque d'une théorie de l'écriture que je me suis forgé au fur et à mesure, hein. C'est un artisanat, on le découvre, on n'a pas ça dans la tête au départ, mais on le découvre et on le bâtit. Moi, il y a un moment donné dans ma vie d'écrivain où je me suis dit, mais c'est quand même fou cet art, parce que c'est l'art le plus sobre et le plus pauvre et le plus minimaliste qui soit. C'est-à-dire que vous avez des lettres noires comme ça sur une page blanche, sur les pages de format carré que vous tournez, et ça peut produire des mondes incroyables, à tel point que y a énormément de films qui s'inspirent d'un livre, énormément de jeux qui s'inspirent d'un livre, énormément évidemment de musique. Donc, dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis dit, quelles sont les ressources vraiment charnelles, sensuelles et physiques que me permet ce médium extrêmement pauvre, en réalité. Et en fait, quand tu regardes, il y a trois réelles ressources. Il y a une ressource qui est classique, dont les gens parlent souvent, c'est la ressource sonore. Se dire, les mots ont une sonorité, ont une sonance particulière. Alors, voilà, les fricatives ont une sonance très différente des plosives, ont une sonance différente des liquides. C'est-à-dire que la façon dont elles vont vibrer dans l'espace est très différente et imprime le tympan d'une façon voilà, un i par exemple, on sait que c'est une très haute fréquence d'un point de vue musical, et il y a un facteur de déchirement comme ça qui permet de restituer ce type de choses. Et puis c'est une très petite aperture, donc ça va dans petit, dans minutie, dans des choses comme ça, on sent l'étroitisation que permet ce type de voyelle. Et puis il y a l'autre dimension qui pour moi est en fait extrêmement importante, qui est la dimension qu'on appelle articulatoire ou subarticulatoire, et qu'on éprouve très bien quand on est sur scène, quand on vocalise, quand on voilà, moi j'aime bien dire mes textes pour ça, c'est que je sens la colonne d'air monter et je sens l'explosion, bah, des plosives peut-être que, des plosives, ce qu'on appelle sonores plus amortis, but de gueule, je sens les fricatives, voilà, racler sur la grotte, c'est sur la glotte, pardon. C'est vraiment, une dimension physique qui vient de la sculpture de l'air. Moi, j'adore ce truc-là. C'est Novarina qui m'a appris ça, Valère Novarina, qui dit, mais en fait, on est des sculpteurs d'air. Quand je vous parle là, à la radio, vous m'écoutez, mais je suis en train de sortir une colonne d'air que je sculpte avec, voilà, avec ma glotte, avec la cavité de ma bouche, avec mes dents, avec mes lèvres, avec le palais, puisque tous ces outils-là servent à mastiquer et à sculpter le l'air. Et ensuite, je les fais rentrer en vibration, je crée des vortex comme ça, des sculptures sonores qui flottent là en ce moment jusqu'à vous, et que vous écoutez, que vous entendez, qui vous permettent d'agir, de réagir. Donc c'est une magie absolument, absolument splendide, mais elle vient de la puissance articulatoire. Donc dimension articulatoire, dimension sonore une fois que ça touche les tympans. Et la troisième dimension, c'est ce que tu évoquais là, c'est la typographie, ou ce que j'appelle la typoésie, c'est-à-dire que les lettres ont une forme. Voilà. Un L ne produit absolument pas la même impression optique qu'un M qui a trois arches et qui s'étale comme ça sur la page. Alors que le L, par exemple, le double L de fille, eh ben, nous envole comme ça un peu dans l'espace, alors que le double N de femme va nous protéger, nous aplatir, etc. Donc cette dimension purement scripturale, elle véhicule un certain nombre de choses. En français, par exemple, on a sept hampes et on a trois jambages. On a cinq jambages, c'est-à-dire que le G, le J, P, etc. Donc finalement, la dimension ascendante est plus forte optiquement que la dimension descendante. Et donc, bah, il y avait l'idée de dire, on travaille sur la forme des lettres. C'est ce qu'on a fait avec Esterza, qui est une typographe qui m'a aidé à mettre ça en place dans le livre. Et on s'est dit, on va caractériser les personnages aussi par la typographie, et puis par ce qu'on appelle les signes diacritiques, c'est-à-dire, effectivement, les apostrophes, les points, les trémas, les points sous les lettres, c'est-à-dire souscrit ou suscrit. Et tous ces éléments-là purement visuels produisent aussi des effets physiques. Et ces effets physiques viennent aider à l'expression, des personnages et puis des scènes, quoi. Donc il y a des moments où il y a une sorte de furtivation, c'est-à-dire que voilà, ces points s'envolent et viennent habiter un peu le texte. Donc moi je trouve qu'on n'a pas été au bout de la forme livre en fait, ni de la forme typoétique, c'est-à-dire qu'on a encore plein de choses à découvrir, et notamment optiquement, visuellement, en disant bah cette espèce de voilà de glyphe tout à fait sommaire de la lettre latine. Quand on commence à la travailler avec justement les signes diacritiques, on obtient des choses beaucoup plus intéressantes. Et là, j'en suis qu'au début. Hein. Je pense que je développerai plus amont ça. Et donc, il y a une dimension, ouais, presque picturale, ou en tout cas, ouais. Et qui varie en fonction des personnages, de l'action. On peut même voir dans Damasio que dans ses furtifs, vous parliez effectivement des différentes façons, des différentes prononciations des consonnes. Il y a des personnages qui utilisent beaucoup les dentales, les percutives. Complètement. Voilà. Ouais. Et d'autres qui ont, au contraire, vous travaillez la langue à ce point-là du choix des consonnes vraiment, mots. Et c'est de plus en plus, délibéré et voulu. Par exemple, si je prends le personnage d'Aguero, qui est l'ouvreur de la meute, furtif dans le livre, qui est franco-espagnol, qui utilise beaucoup de terminologie espagnole, et qui a une sorte d'explosivité de chaleur sud-américaine comme ça. D'emblée, je savais que par exemple sur les dominantes de sonance, j'allais utiliser beaucoup les bedug. Les bedug, c'est on appelle ça les plosives sonores. C'est-à-dire que la glotte est très légèrement ouverte, mais très très légèrement. C'est-à-dire que la colonne d'air vient et bloquée sous la glotte. La glotte s'ouvre, donc le son explose, comme pour le poteke, mais il explose de façon moins percussive et moins sèche que le poteke, il explose de façon amortie. Il y a un très léger amorti du son. Et ça donne ces mots que j'adore, que c'est bodega, gambadé, bidindom, gogol, enfin voilà, toute cette espèce de mots qui ont beaucoup d'énergie et qui en même temps sont relativement rebondissants. Voilà, il y a un côté rebondissant. Et ça allait très bien pour ce personnage qui est un peu un circassien, qui a ce côté... Et donc, je choisis ça. Et pareil, sur les voyelles, là, pour ce personnage, par exemple, c'était le A, le O, le ON, c'est-à-dire des voyelles justement assez hispanophones, mais qui développent beaucoup plus de chaleur qu'un I, qu'un U, qu'un E, qui sont des voyelles un peu plus froides. Même sur la température de voyelles, hein, il y a des études qui ont été faites, le I, le U sont très froids parce que ça sort sur les incisifs, quoi. Et donc, même l'air qui sort est beaucoup moins chaud que des gutturales qui sortent du fond, comme le on, quoi. Alors, j'avais choisi un petit passage que je voulais vous faire lire, si vous le voulez bien sûr, mais c'était de Lorca. Je cherchais si c'était Agüero, mais non, le passage que j'avais pris, c'était Lorca, parce que on est au début, hein, pour ne rien gâcher pour les auditeurs. On est dans la première partie du livre, et c'est un moment où, justement, d'un seul coup, ces signes diacritiques pullulent partout. Et tenez, je vous donne, hop, tenez, c'est tout ce qui est en jaune, là. Allez, c'est toujours un plaisir de lire et de faire entendre, hein, c'est sûr. On vous écoute. Zilch apprécierait, en connaisseur, zip-zap, app.app, sur sa place map, clignoteraient les capteurs de l'avenue en volume et couleur. Je n'y serais qu'un point, pointillé, hop, à pas, échappe. Une esquive, hanche, calte, manche, qui multiplierait arc, lag et ligne brisée, no tag pour demeurer hors champ, une arabesque de liberté en train de se dessiner, un trajet fugitif à travers la carte du contrôle commercial qui se trouerait. L'animal serait discret, qui rirait secret à l'injonction, laissez-moi vos coordonnées. Flèche et flux sans planche, surf sur le trottoir tout en air, qui va là, halte là, qui vire, vers où? Voilà, c'est un petit extrait que vous pouvez peut-être éventuellement resituer, parce que c'est effectivement très particulier, c'est très peu narratif, mais c'est pour ça qu'on l'a choisi. Là, on est sur un des premiers moments où la dimension furtive commence à pénétrer le personnage, c'est-à-dire qu'il est influencé, il s'hybride progressivement avec ses créatures, et donc il acquiert une sorte de vitesse, et là, par exemple, les finaux en peu permettent ces petites explosions, ces petits sauts, ces petites ruptures qui montrent que ça y est, il acquiert une forme de vivacité beaucoup plus grande que ce qu'il avait l'habitude d'avoir, et notamment cette ville qui est parfaitement contrôlée, parfaitement bourrée de senseurs. Alors on enfonce des dalles sensitives qui mesurent notre pointure, notre poids, on passe devant des collectiqueurs qui écoutent nos sons et qui les orpaillent. On a effectivement les caméras biométriques, on a énormément de capteurs comme ça qui sont là pas pour nous contrôler ou nous fliquer, mais pour nous proposer les pubs personnalisées, adéquates, soi-disant, à nos vies. Et là, il essaye d'éviter tous ces capteurs. Il les connaît et il y arrive, alors que voilà, c'est la première fois qu'il y arrive. Et là, il comprend que quelque chose est en train de se passer. Mais voilà, le style doit porter cette vivacité, doit porter cette nervosité. Et les sonances, évidemment, aident à ça, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez à voix haute, par exemple? Est-ce que vous vous levez de votre chaise, vous cherchez les mots, la sonorité, ou est-ce que vous avez une musique intérieure que vous écoutez immédiatement, Alain Damasio? Alors ça, c'est assez marrant, cette question, parce qu'effectivement, dans La Horde du Contrevent, je disais beaucoup les choses à haute voix. Et plus ça va, moins j'ai besoin de les dire, parce que ça devient de plus en plus intérieur, ça devient de plus en plus évident. Et j'ai plus furtif. Ouais, plus furtif en moi. Mais surtout, je pense que la dimension articulatoire devient plus forte. J'ai pas besoin de l'entendre sonner. C'était marrant, j'ai entendu l'autre fois Valère Novarina qui parlait de ça. On lui posait la question. On lui disait, mais vous avez un style extrêmement, extrêmement oral. Moi, j'adore Valère Novarina. C'est vraiment une idole. Et il disait, mais est-ce que vos textes à haute voix, vous les portez? Il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça. Et il dit, ils doivent être bien sourds, ces auteurs, parce que moi, j'ai pas du tout besoin de les verbaliser pour les entendre. Et je pense qu'au niveau où il est, c'est tout à fait exact. Moi, j'ai encore besoin de les verbaliser. Et surtout, quand je fais des parties un peu slamées, un peu, où il y a une partie, là, qu'on aurait pu lire, qui est celle d'Agüero en Bodegue, où là, j'ai besoin d'entendre. Donc, je m'enregistre et je réécoute. Et j'ai besoin d'entendre le flow. J'ai besoin de voir si ça fonctionne, si c'est pas trop lourd, si c'est pas trop chargé, si, donc oui, moi, j'ai encore besoin d'entendre. Mais je pense que quelqu'un, du niveau de Novarina, il a même plus besoin, c'est en lui, il y a une sorte d'instinct, il a un sens des sonances absolument instinctif. Ouais. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, Alain Damasio? Un furtif. Là, on est sur un récif de mon point de vue, c'est-à-dire de mon expérience, j'ai envie de dire. Non, ça c'est un travail donc magnifique qu'on a fait avec Floriane Pochon, donc qui est la créatrice d'une radio que je vous recommande absolument d'écouter, qui s'appelle Phone Radio, PHAUNE, qui est une radio folle, c'est-à-dire qui est fondée vraiment sur la création radiophonique et autour beaucoup des animaux et des phénomènes naturels. C'est une folle absolue au sens et beau sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment une réalisatrice sonore, une créatrice sonore de très haut niveau. Et je dirais qu'elle m'a sauvé la vie un peu sur le livre à un moment donné, parce qu'on a travaillé un an et demi ensemble avec quelqu'un qui s'appelait Tony Regnault aussi. On a travaillé sur l'univers sonore des furtifs. Comme c'est un livre où cet univers est fondamental, puisqu'on peut pas les voir. Donc ne pouvant pas les voir sans les tuer, il faut développer un mode de liaison avec eux, un mode relationnel avec eux qui passe par le son, par la musique. Et même, je spoil pas, mais même plus que la musique après. Et donc on a défini un certain nombre de furtifs, on avait travaillé, et là on a un résif, c'est un furtif de réseau, c'est-à-dire que c'est un furtif qui se crée à partir des ondes wifi, radio, électromagnétiques qui circulent dans l'air et qui saturent l'air de nos villes. Et à partir de ces ondes croisées, c'est créé des créatures qui sont capables de s'y loger et qui sont responsables, messieurs, dames, des bugs que vous enregistrez dans vos machines ou des glitches que vous entendez parfois à la radio ou sur vos télés parce qu'ils habitent dans ces choses-là. Donc oui, c'est un super... c'est un travail qui a été magnifique à faire. On en a fait beaucoup de furtifs comme ça. Et ça m'a aidé profondément à entrer dans l'univers. Et quand j'ai écrit, j'avais ces furtifs en tête et ça me portait et ça m'aidait. Et à un moment donné où j'étais en train un peu de décrocher du livre, j'arrivais pas à démarrer. Et le fait d'avoir lancé ce projet avec Florian, ça m'a ancré des éléments de l'univers qui ensuite ont été précieux quand je suis arrivé à l'écriture même. Ouais. On a de la chance, on est à la radio et il faut dire que Les Furtifs est un roman extraordinairement sonore, c'est-à-dire qu'il y a une composante sonore peut-être encore plus intrinsèque que La Horde. Donc il y a ce projet avec Phonophore. Il n'y a pas que des bruits de furtifs comme ça, il y a aussi toute une narration que vous avez voulu reconstituer. J'aimerais qu'on en écoute un extrait. Là, je viens de rentrer dans l'ancien lieu de stockage de batteries d'ordinateur. Il devrait y avoir quelques spécimens qui vivent dans le coin. Bon, maintenant, il manque plus qu'à partir à la pêche. Avec ça, je peux envoyer du son dans la direction que je veux. C'est comme une canne à pêche. Peut-être un peu cheap, mais vu mon budget, j'ai rien de mieux, les gars, désolé. Si j'arrivais à prouver votre existence, ça changerait pas mal de choses. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je veux juste accumuler des preuves. Des preuves. Des preuves. J'en peux plus qu'ils me prennent pour un taré. Tu vas voir tout ce qu'on peut faire. Allez. Alain Dabazio, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Là, c'était une des parties du projet furtif, c'est-à-dire qu'on avait décidé de partir dans un presse du reportage Gonzo. En mettant en scène la recherche des furtifs dans les zones justement où on a des chances de les trouver, c'est-à-dire les squats, les friches urbaines, les parkings totalement obscurs. Et là, c'est Clément Baudet qui est parti avec son. C'était bien, il avait un outil d'enregistrement binaural et il met en scène ce délire. Donc c'est presque. C'est de la fiction réaliste, en fait. C'est ce que j'appelle, moi, du réel fantastique. C'est-à-dire qu'on essaie de donner le maximum de crédibilité à une recherche furtive. Et on entre dans cette folie avec le narrateur, là, avec ce faux reporter, là, ici, quoi. Et donc, on s'est éclaté à le faire sur plusieurs choses. Mais il y a dans Phonophore, ce projet était très vaste. Il y avait des carnets furtifs sur lesquels j'expliquais ce que je cherchais, voulais trouver. Il y avait ces espèces d'enregistrements des furtifs eux-mêmes que proposait Florian de Pochon. Là, il y a Clément qui effectivement développait ses délires au Gonzo. On avait plein de pistes. On avait même interrogé Yann Kounen et Yves Citon, qui était un philosophe que j'adore, sur l'existence des furtifs, en faisant croire que ça existait, en leur demandant leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et ils ont joué le jeu. Donc c'est un projet de réel fantastique assez fou, assez jouissif à faire en plus. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, parce que tous ces sons-là, vous pouvez les trouver en ligne. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a aussi quand vous achetez aujourd'hui donc Les Furtifs aux éditions La Volte, puisque c'est aujourd'hui la date de sortie du roman, vous allez avoir un petit lien dans le livre qui vous donne accès à un album qui est un autre projet sonore aussi, un album que vous avez composé avec Yann Péchin, que les mélomanes français connaîtront en tant que guitariste d'un certain nombre de grands noms de la musique française. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour Alain Damasio, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc allé à la rencontre de Yann Péchin, qui n'était pas, on va le dire, avant la rencontre avec Alain Damasio, un grand féru ni de science-fiction ni d'imaginaire. C'est moins qu'on puisse dire. Yann Pechin, on rappelle en tout cas, c'est un guitariste emblématique qui a accompagné entre autres Alain Bashung, Brigitte Fontaine ou encore Tricky. Et c'est lui qui a composé les musiques qui accompagnent votre voix et vos textes, Alain Damasio. Je suis donc allé le rencontrer. On a parlé de l'idée qui vous a mené à donner une extension musicale à votre livre Les Furtifs avec l'album Entrer dans la couleur. Yann Pechin m'a aussi expliqué la nature de votre dialogue sur scène et en studio et la façon dont vous envisagez vos performances à venir. En fait, nous avons une rencontre à Dunkerque. Enfin, à Dunkerque. Il y a un centre culturel à Dunkerque qui crée des événements. Moi, j'avais fait des performances aussi bien avec des peintres, avec des gens de milieux différents. Et eux, ils ont eu l'idée de faire notre rencontre, de se dire, voilà, il y a cet écrivain qui s'appelle Alain Damasio. Et on s'est dit qu'une rencontre de vous deux, sachant que moi, j'avais l'habitude aussi de travailler de mon côté sur des performances de, que ce soit danse, peinture, ils se sont dit, votre rencontre pourrait être quelque chose. De plus, Alain Damasio était fan d'Alain Bashung, voilà. Et je n'avais aucune culture de science-fiction, c'est-à-dire à part les classiques, genre Kadic, Le meilleur des mondes ou Asimov, je ne connaissais rien. Donc j'avais aussi avec la science-fiction, j'avais toujours de méfiance, toujours croire que la science-fiction c'était pas de la littérature. J'ai beaucoup changé d'avis depuis. J'ai dit bah écoutez, rencontrons-nous. Moi je propose qu'on se rencontre dans un studio de répétition. Ce qu'on a fait. Et à l'époque, je ne savais même pas que c'était un écrivain connu. Mais voilà. Et on s'est retrouvés 3 heures dans un studio de répète. Et au départ, c'était juste pour faire une performance. Et il a commandé les textes. Et en 3 heures, on avait fait de la performance. On avait fait 10 000 choses. On s'est dit, ben, ça fonctionne. Voilà. Alors moi, après, à la fin de la répète, je dis, c'est beau ce que tu fais. Est-ce que tu es édité? C'est dire à quel point j'étais inculte. Et lui, il me dit, oui, j'écris quelques trucs. Et de là, en fait, ça devait pas vraiment aller plus loin. On devait peut-être faire des performances. On a été rappelé pour faire une autre performance pour Fédération Addiction à la Cité des Sciences. On a joué devant 1000 personnes en totale improvisation avec un texte qu'il avait écrit spécialement pour ça. Et ça a eu un gros retentissement. De là est venue l'idée. On s'est dit, mais ça serait dommage de s'arrêter là. On pourrait peut-être faire un disque. Et de là, ben, s'est développée l'idée que le livre, on pourrait, plutôt que faire des textes existants ou de choses, que ça vaudrait le coup d'utiliser la matière du livre pour faire un album. Et voilà. Et après, tout est allé très vite. Alors vous avez composé pour des chanteurs, des chanteuses, pas des moindres. Vous avez aussi composé des bandes originales de films. Oui. Comment on aborde l'objet roman, qui est un objet a priori silencieux, un objet avec plein de paroles, mais alors, a priori silencieux? Alors justement, le but, moi, ce qu'on ne voulait pas, et ce que je ne voulais pas aussi, j'avais déjà travaillé avec Brigitte Fontaine, par exemple, sur des performances de lecture de ses livres. Donc j'avais remarqué, moi ce que je ne supporte pas souvent dans la poésie, c'est qu'on entende des chansons derrière. Là le but c'était de surtout pas faire entre guillemets des chansons, je voulais pas qu'on fasse des pop-songs. Puis surtout quand on lit les textes d'Alain, c'est pas obligatoirement c'est pas structuré avec des couplets, avec des refrains. Donc pour moi la priorité ça soit vraiment que, et ça je l'ai appris grâce à Bashung aussi, parce qu'on travaillait beaucoup, quand on travaillait avec lui, on avait les textes sous les yeux en même temps qu'on jouait en répétition. Et ça c'est un truc que je me suis dit, je voulais vraiment que ça soit suivre les mots en ne rentrant pas dans une structure de chanson et que chaque note de musique ou chaque ambiance soit raccord avec l'univers et avec ce qu'il racontait. Donc le but était de pas rentrer, même si après il y a eu des choses qui ont été faites plus dans un format chanson, mais on va dire que 80% de ce qui a été fait a été, voire 70%, à part deux trois titres, ont été composés juste quasiment la veille de rentrer en studio. L'album s'appelle non pas Les Furtifs, oui, qui est le titre du livre, oui, mais Entrer dans la couleur. Oui. Alors je voulais savoir si l'écriture d'Alain Damasio avait une couleur musicale particulière, ah, oui, oui, oui, et si oui, laquelle? Oui, oui, alors il y a vraiment une couleur, c'est-à-dire, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a travaillé ensemble, parce que moi je suis un grand fan de peinture, un très mauvais peintre, et je veux dire, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de sons qui se dégagent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des couleurs, c'est vraiment entre des choses extrêmement chaudes et des choses extrêmement froides, numérisées, qui rappellent la science-fiction. Les couleurs qui me venaient directement à l'esprit, c'était quelque chose de très rond et très chaud, et en même temps très cassant par les fractures numériques de l'époque, qui est très dure. Donc, moi, beaucoup de choses entraient dans la couleur. D'ailleurs, c'est le premier titre qu'on a enregistré en studio. Donc, qui était très très bien parce que c'est justement ce titre qui a donné un peu la direction de l'album. Et c'est vrai que c'est pas pour rien, on l'enregistre en premier. Et vraiment, c'est de ça dont a tout découlé. Et je trouve qu'il reflète bien son univers, justement. Mais justement, l'univers d'Alain Mazio est un univers rempli de couleurs. Moi, je pense qu'il y a un échange que j'ai connu aussi bien avec Alain Bashung ou avec Brigitte Fontaine et d'autres. C'est qu'il y a un échange animal qui est du ressenti. Donc, ces questions-là, je ne me les posais pas parce que si cet échange-là n'avait pas fonctionné, nous n'aurions pas joué ensemble. C'est un peu, ça a toujours été, en tout cas avec les artistes, s'il n'y a pas ce truc, cette sorte de, comment dire, de télépathie ou d'échange, oui, mystique, si on peut dire, ou sacré, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour ça, mais en tout cas, s'il n'y a pas ce truc où la personne respire, où on n'est pas connectés les deux ensemble, ça marche pas. Et en studio, ça a été la même chose. On est parti, partait parfois sur un texte et je partais sur quelque chose. Et il y a un titre, par exemple, je vais pas dévoiler, mais il y a un titre qui s'appelle Saher et Lorca, qui n'est qu'une prise. Il est parti du texte. On a fait tourner la bande et le morceau, à part une voix qui a été rajoutée, il est tel quel qu'on l'a fait, alors que 30 secondes avant, on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'est des moments de bonheur immense. C'est aussi des moments de fatigue intense aussi, parce qu'en 4 minutes on donne tout, mais moi je trouve ça extrêmement beau. Moi c'est ça qui me plaît dans la musique, en tout cas, et je pense qu'Alain aussi il aime ça, cette idée de justement de se dire on y va quoi. On sait pas où on va, mais en même temps c'est cohérent et ça reste mais voilà. Mais par contre, oui, l'important c'est d'avoir toujours je sais que moi quand j'ai travaillé sur l'album, je ne faisais jamais rien sans avoir le texte sous les yeux. Ce n'était pas genre super, je fais de la musique, c'est à dire qu'on est parti d'un processus. L'important c'était d'abord d'enregistrer ses voix et d'avoir ses voix en premier, que ça soit vraiment que ça soit son texte, le moteur. On ne voulait absolument pas qu'il y ait une musique avec un illustratif qui se pose dessus. C'était parce que j'ai remarqué que souvent en poésie, il y a des disques de poésie qui sortent en musique, ça marche pas les trois quarts du temps. Ça gâche la poésie ou ça gâche la musique, mais les deux ne fonctionnent pas. Là, c'était vraiment que s'il y avait une phrase qui durait avec deux Alexandres, avec 18 pieds, et que ça soit même pas logique, c'était pas grave. L'important, c'est qu'on arrive à quelque chose qui fasse que ni l'un ni l'autre, qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait l'impression que ça soit vraiment fusion texte et musique. Non loin du café, je garde mon véloque entre deux flaques et je contresigne avec ma bague. Pieds et cheveux trempés, ma cape de pluie a fait ce qu'elle a pu. C'est maintenant que j'ai peur, maintenant seulement. Peur de sa voix, peur de son amour. Peur de ce qu'il y aura dans ses gestes de désarmant, de tellement lui. Peur car ce que je vois à travers lui depuis qu'elle est partie, c'est notre fille Tishka. Tishka toujours et éternellement. Et c'est parce que je pouvais rien contre ça que je l'ai quitté, Lorca. Pour ça. Et pour rien d'autre. Voilà, extrait de cet album où on entend votre voix porter les mots d'un personnage féminin. Donc c'est le personnage de Sahar, qui est donc l'ex-épouse de Lorca, et ils sont en train de se retrouver. Lui essaie de la convaincre que leur fille a bien été emportée par les furtifs. Un mot sur cette collaboration et sur cet aspect extraordinairement sonore et musical de ce. Déjà, c'est franchement un immense bonheur d'avoir rencontré Yann Péchin et un immense luxe de travailler avec lui. Bon, c'est difficile à mesurer, mais c'est quelqu'un qui a 36 ans de carrière, qui a commencé à 16 ans, qui est vraiment un très très grand guitariste, surtout un très très grand guitariste d'improvisation. Et il a une faculté absolument exceptionnelle à sentir les tonalités, les couleurs du texte, comme il expliquait là. Ce qui fait que moi au début j'étais extrêmement surpris, parce que mes textes ont souvent une couche conceptuelle, ou en tout cas cérébrale, importante. C'est-à-dire, il véhicule des sens, des valeurs, d'une politique, etc. Et j'ai assez rapidement compris que c'était pas par ce vecteur-là qu'ils allaient rentrer en lui et qu'ils allaient lui donner l'inspiration. C'est vraiment toute la dimension extrêmement justement physique, coloriste, sonore qui allait le porter. Et très vite, il m'a appris à écouter et je crois qu'il a aussi lui appris à écouter mes textes, mon phrasé, mon flow. Et ça a été très vite quelque chose de magnifique. Le morceau dont il parle et dont vous venez de mettre un extrait, Il est vraiment fait en fin de journée après 8 heures de répétition. On dit, ah, tiens, on attaque Sahar El Erka. On avait bu quelques verres de blanc. Moi, j'étais pour une fois dans une sorte de fatigue saine, j'ai envie de dire, ou en tout cas une fatigue qui fait que ça y est, j'avais enfin court-circuité les rétro-contrôles, le côté cérébral en moi, et j'étais vraiment dans la sensation de ce moment. J'avais l'impression de redécouvrir le texte et de le réécrire au fur et à mesure. Et le morceau a vraiment beaucoup de grâce parce que il est enfin. Moi, je suis pas comédien, donc j'ai un mal fou à rentrer dans cette espèce d'affect très pur, à habiter, à être cette espèce d'athlète affectif dont parle Antonin Artaud. Et là, pour une fois, j'y étais. Voilà, j'y étais. Et la prise, du coup, on n'y a pas touché parce que quant à cette justesse, il faut pas la déformer, il faut pas la reprendre, faut pas le. Mais voilà, donc c'est un bonheur. On va jouer sur scène à la Gaîté Lyrique. On va essayer de faire une espèce le de tournée. Le mercredi 24 quoi, avril, on va vous mettre le lien effectivement si vous voulez entendre Alain Damasio. On fait une forme de tournée, Yann Péchin, faut le dire. En tournée des sportifs. Un mot tout de même. On arrive dans le dernier quart d'heure de cette émission, Alain Damasio. Il n'est pas possible de parler des furtifs sans évoquer sa dimension intrinsèquement politique. C'est un roman politique. Est-ce que c'est même peut-être un roman pamphlet, un conte voltairien, hein, avec cette espèce de dénonciation de méfiance envers la modernité, peut-être même plus encore que La Zone du Dehors, qui était pourtant déjà très très politique. Bien sûr, c'est un texte politique, mais je dirais, c'est marrant, il est finalement moins politique que je le pensais, au sens où ce qui m'a guidé, c'est vraiment une sorte de philosophie du vivant. Voilà, c'est d'essayer de porter toute cette espèce d'imaginaire révolutionnaire ou insurrectionnel que je partage, hein, puisque je suis un peu un compagnon de route de la gauche radicale, des ZAD, des mouvements de la loi travail, contre la loi travail, évidemment, des gilets jaunes aujourd'hui. C'est-à-dire que je considère que ce monde n'est pas satisfaisant, n'est pas suffisant, qu'on peut pas vouloir le conserver tel quel, et que donc il faut se battre pour le métaboliser, pour le transformer, pour essayer d'atteindre une dignité pour l'humanité et pour nos vies qui soient plus grandes, et pour tous ceux qui souffrent de ce système, hein, de ce fameux système technocapitaliste dans lequel on baigne. Mais finalement, je me suis rendu compte assez vite que ce que le livre portait, contrairement à ce que j'avais mis sur les cahiers, c'était pas simplement de dire, bon allez, on va faire une énième critique du capitalisme dans ses formes ultimes, c'est-à-dire le capitalisme cognitif, dans l'idée de l'auto-aliénation que ce capitalisme est capable d'injecter en nous, quoi. Et j'ai été plus vraiment vers le vivant, vers quelque chose de positif, vers des alternatives, vers des propositions, vers des modes d'être et des modes de relations qui me paraissent vraiment intéressantes. Donc je pose ces fameuses zones autogouvernées, ces ZAG. J'essaye de trouver les interstices dans... Contre le reste du monde, un peu, parce qu'il y a ces zones dans la Camargue. On voulait vous faire écouter un morceau de Gamelan pour tout vous dire, mais on va pas avoir le temps parce qu'il y a ce rapport à l'Indonésie. Mais j'ai envie qu'on s'arrête un peu sur cette dimension politique. C'est marrant parce que vous disiez, Alain Damasio, avec mon prochain roman, je vais essayer d'avoir une vraie lecture intelligente du capitalisme, qui ne se contente pas de parler des riches et des pauvres, de dire que le capitalisme est horrible, exploite la planète, tout ce qui a déjà été dit des milliers de fois, mais qui disent que le capitalisme est en nous, vit en nous, on l'alimente, on le nourrit, il nous irrigue. C'est aussi, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans la zone, une forme de renonciation au grand soir. C'est-à-dire que finalement, cette révolution, elle est plus collective, elle est plus internationaliste, elle est individuelle quasiment. Ouais, je pense que ce deuil, il faut le faire vraiment. Et la gauche radicale, je pense, est en train de le faire. C'est-à-dire qu'on s'est pas assez rendu compte que la révolution princeps, qui est la révolution française, était une révolution massive et sociétale globale parce qu'on était sur un régime qui est le régime monarchique. Donc un régime finalement totalitaire qui couvrait et englobait la totalité de la société. Donc effectivement, si tu coupes la tête d'un roi dans un régime monarchique, tu aboutis à une révolution qui est globale, qui est massive, qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un régime de contrôle et de traces qui est beaucoup plus démocratisé, sur lequel, et c'est ça le point important, tout le monde est relais de ce contrôle, tout le monde est relais du capitalisme, tout le monde est acteur à son niveau de ce capitalisme, ça va plus ou moins. Et quand on parle de l'ennemi capitaliste, on oublie de dire à quel point on est traversé par cette eau, à quel point on la sue, on la boit. Qui nous laisse juste au-dessus de notre zone de confort. Ouais, juste au-dessus de notre zone de confort. Et donc, de croire, de dire, voilà, il y aura un grand soir qui va renverser ce capitalisme, qui va tout d'un coup le retourner, c'est une absurdité, c'est d'abord... c'est pas crédible, et surtout c'est pas à mon sens ce qu'il faut faire. Voilà, donc le livre vraiment se termine justement sur tout un ensemble de micro-révolutions, sur tout un ensemble de basculements, de d'insurrections, mais variées, plurielles. Et moi je suis beaucoup plus aujourd'hui sur l'idée que les révolutions se feront sur des communautés, sur des modes de vie. Elles sont plurielles au sens où où ça sera pas le même système. On va pas d'un coup renverser le capitalisme par un communisme global. Il y aura plein de façons de le faire. Anarchiste, anarcho-communiste, communiste, citoyenniste, terrestre, écologique. Donc tous ces mouvements-là existent, et c'est bien qu'ils existent dans la gauche que je défends, en tout cas, dans cette gauche que moi j'appelle simplement authentique. Et il faut surtout pas les subsumer dans des espèces de modèles ou dans des espèces de personnages qui seraient césariens ou napoléoniens, qui viendraient, voilà, ou mélenchoniens ou tout ce que vous voulez, qui viendraient solutionner cette lutte contre le capital. Donc j'aime beaucoup cette idée que, voilà, gardons une liberté de création d'une multiplicité de modèles. Et c'est pour ça que les ZAD sont intéressants, c'est qu'elles créent des modèles, elles expérimentent des modèles, elles les vivent, elles les rendent concrets. Et voilà, une ZAD ne définit pas tout, il faut plusieurs ZAD, il faut des centaines de ZAD. Et comme je le dis à la fin du livre, ce qui est intéressant, c'est de faire émerger des îlots, et que ces îlots vont faire des archipels, et que ces archipels, peut-être, feront à la fin des continents. Vous faites dire d'ailleurs à Saskia, l'un de vos personnages, il faut des révolutions différentes, plurielles justement, par îlot. Vous dites aussi quelque chose d'intéressant, vous dites que c'est la première fois de ma vie que je sais que je suis attendu politiquement même avec des gens autour de la gauche radicale, de l'extrême gauche. Ouais, vous pensez vrai, que vous étiez attendu au tournant politique sur cette... Oui, je pense que c'est politique parce que bon, il faut le dire, voilà, on le sait, voilà, la presse française par exemple, 9 milliardaires tiennent 90% de la presse écrite. On sait que des voix dissonantes ou des voix vraiment de gauche radicale sont extrêmement peu portées, et je vous remercie de m'accueillir ici, sont extrêmement peu portées dans les grands médias, et j'ai la chance, par peut-être la qualité de mon écriture ou l'originalité de mes imaginaires, d'être une figure qui est un peu écoutée, qui est un peu invitée même dans des grands médias généralistes. Et donc j'en profite à un moment donné pour essayer de porter effectivement des messages, ou en tout cas des réflexions ou des modes de vie. C'est plus des modes de vie même que j'ai envie de porter, qui me paraissent neufs, qui me paraissent intéressants, qui me paraissent surtout porter une vitalité qu'on n'a plus dans des grands régimes généralisés. C'est amusant parce qu'on se demandait avec votre camarade Norbert Marjanian si la SF française était encore politique en 2019. Oula, pour vous, beaucoup. Alain Damasio, la science-fiction est un sport de combat. Oui, et puis on a une science-fiction française très politique. Nous, on a créé un collectif qui s'appelle Zanzibar, où tous les auteurs sont politisés au bon sens du terme, c'est-à-dire que ils veulent interroger le vivre ensemble, ils veulent comprendre comment la technologie vient impacter le vivre ensemble, comment la technologie effectivement modifie les rapports sociaux, modifie même les rapports anthropologiques, parce que c'est notre façon de vivre est vraiment altérée, modifiée, des fois illuminé et des fois sacrifié et édulcoré par la technologie. Donc la science-fiction est au cœur des enjeux actuels, vraiment. Moi, je le répète, c'est un âge d'or. C'est un âge d'or pour nous parce que... C'est un âge d'or littéraire, politique. Ah oui, littéraire, mais aussi cinématographique, mais aussi vidéoludique. Parce que la science-fiction s'est toujours interrogée sur cet impact de la technologie sur nos vies, sur la façon dont l'homme se réinvente par la technologie. Et comme on est au cœur de ça, on est une société qui est à l'acmé de ces courbes technologiques, on se retrouve au cœur des choses, voilà, tout simplement. Mais la science-fiction a souvent été très futuriste, très positiviste, très progressiste, technophile. Vous, aujourd'hui, vous représentez peut-être la nouvelle génération d'auteurs technosceptiques ou technophobes, parce que la technologie telle que vous la décrivez, dans Les Furtifs en tout cas, elle est envahissante, c'est ce technococon, c'est cette servitude, cette société panoptique à laquelle nous avons tous contribué et que nous avons accepté passivement. Bien sûr. Et parce que l'outil nous paraissent, parce que c'est des outils aussi de contrôle, et on a besoin de contrôler les incertitudes autour de nous, et la technologie nous y aide. Mais moi, évidemment, je peux pas être technophobe, puisque la technologie fait partie de l'hominisation même, quand on regarde ce que l'auteur dit, qu'en dit, ou même ce que les anthropologues en disent. Simplement, il faut être technocritique, il faut être technovigilant, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il faut pas céder à la technophilie ambiante qui est en fait poussée par ce capitalisme qui a besoin de nous vendre des objets, et que chaque technologie qui arrive, vraiment se poser la question: qu'est-ce qu'elle nous ouvre, qu'est-ce qu'elle nous ferme, qu'est-ce qu'elle empuissante en nous et qu'est-ce qu'elle impuissante en nous, puisqu'à chaque fois elle nous vend évidemment un accroissement de pouvoir. Donc oui, c'est bien d'avoir un accroissement de pouvoir, mais est-ce que ça résulte aussi, est-ce que ça produit un accroissement de puissance? C'est pas toujours le cas. Parfois, ça produit nos puissances personnelles. Donc, toujours avoir ça en tête. Et aussi, est-ce que ces technologies, on peut se les réapproprier? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les bricoler? Est-ce qu'on peut les hacker? Est-ce que pour les transformer? Parce qu'une technologie qu'on ne peut pas modifier et qui nous est imposée, c'est une technologie qui réduit nos capacités d'émancipation et notre liberté au final. Or, on a beaucoup. Vous prenez une tablette Apple, c'est une tablette qui est parfaitement hétéronome, comme disait Ivan Illich, c'est-à-dire qui nous permet aucune indépendance par rapport à l'outil. On est obligé de faire ce que l'outil nous offre. Donc, cette capacité à bricoler, à hacker, elle est aussi extrêmement importante dans le rapport à la technologie. Donc, moi, je parle plutôt d'une sorte d'art de vivre technologique qu'il faut trouver. Voilà. Comme d'épicurisme, des fois je dis technologique, au sens où Épicure distinguait les désirs vains et superflus des désirs vraiment fondamentaux. Et la technologie, il y a des technologies fondamentales, extraordinaires, magnifiques. Moi, Wikipédia m'aide, m'empuissante de façon extraordinaire quand j'écris un livre. Mais par contre, il y a des technologies qui non seulement me servent à rien, mais me handicapent. Ouais. C'est intéressant parce que vos personnages sont dotés d'une bague hein, qui est l'interface ultime vers le réseau, le téléphone, vers tout ce qu'on a aujourd'hui en encore un peu plus réduit. Et malgré tout, il y a tout de même un moment, sans rien dévoiler, où la question d'utilisation de cette bague va se poser et va tout de même être nécessaire pour continuer à avancer, pour aller au bout de ce projet. Mais je crois que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment une histoire du présent que j'essaye de faire. Hein. Les lectures de l'époque, c'est du présent hypertrophié. C'est-à-dire que je dis parfois un anneau pour les gouverner tous en présentant sur le Seigneur des Anneaux, mais c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de faire des arbitrages entre notre liberté et la fluidité que nous offrent ces outils. On le fait tout le temps, tous les jours. À savoir jusqu'à quel point on, pour outiller nos paresses, pour la loi du moindre effort, pour la facilité, la commodité de vie que ça nous procure, qu'est-ce qu'on est prêt à céder? Et cette interrogation, elle est quotidienne, mais simplement, faut en être conscient. C'est-à-dire qu'on cède des choses et qui se retourneront peut-être un jour contre nous si on est sur un pouvoir un peu plus féroce, un peu plus dictatorial. On va se retrouver vraiment en grande difficulté vu toutes les données qu'on cède au gouvernement et aux multinationales. C'est donc un projet musical, on a dit, une tournée, cet album, un projet politique appliqué parce que vous voulez réaliser des ateliers, notamment d'éveil pour effacer ses traces, pour surfer de façon internet, pour réduire sa trace, ses empreintes. Complètement, c'est-à-dire qu'on voulait éviter de faire une tournée de promotion. Moi j'ai dit tout de suite à mon éditeur, je trouve ça odieux, si tu te bats contre le capitalisme, ou en tout cas si tu essaies d'interroger le capitalisme, c'est pas pour s'en servir au moment où tu sors ton livre et vendre le maximum de livres. Donc comme on savait que le livre allait être accueilli, attendu, etc., on s'est dit on va coupler ça avec des pratiques, et on fait par exemple ce qu'on appelle les install parties, c'est-à-dire que les gens arrivent avec l'ordinateur et on leur apprend sur leur propre ordinateur à s'anonymiser, à éviter de laisser le minimum de traces, à utiliser le logiciel. Devenir furtif. Voilà, à devenir furtif. En ligne. Puis à utiliser aussi des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels qui ont été créés par des gens, généralement bénévolement, qui ont consacré du temps bénévole à les faire, et qui sont des logiciels justement où tu as la main, c'est-à-dire où tu peux les modifier, les paramétrer, les changer, et tu as accès au code. Voilà. Tu subis pas le code source de ces logiciels. Donc toute la logique qu'on appelle libriste, tout ce courant du logiciel libre, il est fondamental. Et moi, je trouve ça génial. Voilà, on va le faire à Mantes-la-Jolie, là, samedi. Il y aura ces install parties. Donc on va cumuler des moments de concert, des moments de débat, des moments où on discute comme ici. Et puis aussi des moments où, très concrètement, on permet aux gens de s'émanciper. On permet aux gens de retrouver une forme de liberté. Et on leur permet d'être à nouveau intraçables ou de disparaître, en tout cas, sous les radars du contrôle maximisé. Ouais. De se transformer en furtif. Un mot tout vraiment pour conclure, parce que vous m'en avez glissé un mot avant, les projets pour la suite, 15 ans avant le prochain roman, mais je crois qu'il y a une série qui est en cours d'écriture. Oui, tout à fait. Là je suis showrunner sur une série qui se passe en Antarctique, en 2400. L'Antarctique est redevenue une taïga. Et je mets en place justement une société qui est décroissante, qui est low-tech, c'est-à-dire qu'elle utilise la technologie, mais de façon intelligente, justement, c'est ce fameux épicurisme technologique. Et puis, une personne, c'est un thème sur la migration temporelle. Voilà, c'est des migrants temporels. Et est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on les accepte pas? Donc tous les enjeux de la migration qui sont très importants aujourd'hui sont traités à travers le vecteur du temps. Voilà. Et bien, on suivra ça avec grande attention et on espère bien que vous reviendrez pour nous en parler. Ah, ce sera diffusé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui au micro de la Méthode Scientifique sur France Culture. Le jour de la sortie des Furtifs, c'est aux éditions La Volte, ainsi que vos romans, vos recueils précédents. Tout ça, c'est à La Volte. On vous met les liens évidemment vers sur le fil Twitter de l'émission. Et puis un mot aussi pour vous, les auditeurs de la Méthode Scientifique, puisqu'on a eu une très bonne nouvelle ce matin. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter, jamais aussi nombreux à écouter France Culture, à nous suivre, à nous podcaster. Merci à vous. Ça nous engage à être encore meilleurs, encore plus exigeants, encore plus attentifs. Mais vraiment, merci, parce que ça nous fait quand même très chaud au cœur. Merci à toute l'équipe de la Méthode Scientifique, sans qui, je ne le répéterai jamais assez, cette émission ne pourrait pas exister. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Noémie Naguet, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, tout autre programme, puisque c'est une journée spéciale sur l'antenne de France Culture consacrée aux enjeux des prochaines élections européennes, eh bien nous nous demanderons s'il est encore possible de faire de la recherche à l'échelle nationale ou si tout doit désormais être pensé à l'échelle du continent. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.